Donc on est toujours sur le rassemblement de soutien aux camarades qui a été arrêté arbitrairement hier par la police pour un tag qui dénonçait les violences policières, à juste titre. Et je te laisse te présenter. Et bonjour, je suis Valérie, gilet jaune de la première heure. On est toujours là, hein, malgré ce que les merdias prônent sur les chaînes nationales, hein, en disant que le mouvement des gilets jaunes, il est terminé. Non, il n'est pas terminé. On est toujours là, malgré justement la répression policière. Et il est hors de question qu'on quitte la rue. La rue, elle est à tout le monde. On a le droit de manifester. Manifester, c'est un droit. Et il est hors de question qu'on lâche prise par rapport à ce gouvernement. Et là, je crois qu'il y a beaucoup de personnes, y compris dans les syndicats, y compris dans les institutions, qui reconnaissent que, enfin les institutions syndicales, on va dire, qui reconnaissent que si ce mouvement aujourd'hui, il peut être aussi ferme, avec une telle énergie, c'est parce qu'il y a eu un an de gilets jaunes qui ont tenu la rue. Exactement. Les mobilisations, comme on disait, ont peut-être faibli par rapport à cette milice. On peut appeler ça une milice aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, tout rassemblement est interdit. Donc, il ne faut pas qu'on lâche prise. Là, on tient le bon bout, puisqu'on voit, enfin, ici, notamment à Rouen, on voit qu'il y a une convergence avec les syndicats qui se fait. Et moi, je suis toujours partante sur le fait que. On est fort, mais tous ensemble, on va beaucoup plus loin. J'espère et je le souhaite vivement qu'on mette tous ces corrompus dehors. Pour moi, c'est inacceptable de voir qu'on donne encore la parole à des Carlos Ghosn qui sont des voyous finis, alors qu'on discrédite ce mouvement qui est beau parce qu'en fait, ça traduit bien. Ce qui se passe aujourd'hui, hein. On réclame de la justice sociale, tout comme les organisations syndicales. Je voudrais que tu reviennes sur cette question de la convergence gilets jaunes syndicats, parce qu'à Rouen, comme ailleurs, c'était pas forcément gagné au départ. Ça a été, le début a été un peu tendu dans les relations, et là, en fait, aujourd'hui, les gilets jaunes de la métropole de Rouen participent aux réunions de l'intersyndicale. Est-ce que tu pourrais parler de ça? Disons que pour certains, ça a été un moyen de revenir en manifestation, parce que il y a des gilets jaunes qui ne venaient plus, et ce qui peut se comprendre au niveau, moi je parle en tant que femme, hein, au niveau des femmes, par rapport à justement cette répression et le fait que à chaque fois on jouait au chat et à la souris avec les forces de l'ordre à Rouen, et le fait d'avoir une manifestation tous ensemble, donc même si elles sont déclarées organisées, il y a eu une volonté de tout le monde de dévier des parcours, de montrer qu'on était là et que la rue elle était à tout le monde, quoi. Il y a des belles manifs sauvages à l'initiative, notamment des Gilets jaunes et aussi d'autres qui ont toujours lieu. Enfin, maintenant, en sauvage, même en sauvage, tout le monde suit, quoi. Parce que avant d'avoir les étiquettes syndicales, on va dire, on est tous citoyens avant tout. On est tous révoltés par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Moi, je dirais plutôt qu'aujourd'hui, je m'interroge si on ne devrait pas tous retirer les gilets, peu importe la couleur, et manifester en tant que citoyens en colère.